Le 3 novembre de l'an 35 du Juche 1946, année suivante de la libération coréenne par le président Kim Il-sung, ont eu lieu en Corée les premières élections démocratiques. À l'occasion de ce jour inoubliable où Kim Il-sung a été élu député du peuple à Samdong, les militaires et civils coréens de toutes les couches visitent sans cesse le haut lieu révolutionnaire de Samdong, empreint des traces mémorables des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il. Plus de 2 millions de personnes l'ont visité pendant plus de 40 ans depuis l'aménagement du haut lieu.